Nous entrons dans la passe et voguons angoissés. Nous avons d'un côté la divine Charybde avalant l'onde amère avec un bruit terrible, et de l'autre Scylla. Mais tandis que nos yeux regardaient vers Charybde, nous nous craignions la mort. Scylla nous enlevait, dans le creux du navire, six compagnons, les meilleurs bras et les plus forts. Non, jamais de mes yeux je ne vis telle horreur à travers tous les maux que m'a valu sur mer la recherche des passes. Nous doublons les écueils, la terrible Charybde, aussi bien que Scylla.